besoin d'air pur, de se vider par l'écriture, besoin de repères et plus que jamais besoin d'or pur. Besoin d'évacuer mes démons, besoin de m'entourer de monde, besoin de résolution. J'ai besoin de comprendre leur système, on a besoin des quotas et de refixer les barèmes. Besoin d'affirmer mon islam, comportement, besoin d'un esprit critique et d'un meilleur tempérament. J'ai bien besoin d'analyser l'information, besoin de vérifier la source du journaliste en formation. Besoin de confirmer ma position et plus que jamais besoin de quotidienne remise en question. J'ai besoin de libérer mon esprit, besoin d'emprisonner le mal que j'ai appris. J'ai grand besoin de consulter la famille, besoin du sentiment d'Adam, Ibrahim et Giovanni. Besoin d'un ciel dégagé, d'engagement courageux, besoin d'un discours courageux et d'un discours engagé. Besoin de se placer hors danger, or j'ai besoin d'argent et de me forger. J'ai besoin d'un berger, besoin du digne pour mes bergers, besoin d'émerger, besoin d'un vendredi sans RG. Voyager là où émigrent les oiseaux, besoin de visiter l'Afrique pour écraser mon écho. Besoin d'étudier notre histoire pour ne plus avoir besoin de bricoler dans notre histoire ou de l'entendre modifier par un autre. Besoin de plus de temps, besoin de corriger mes fautes. Besoin d'écrire, de lire et d'approfondir. Besoin de beaucoup plus d'élan pour mieux rebondir. Besoin de le dire que ça vient du 76. Besoin de peser mes actions avant qu'on me les pèse. Me justifier, j'en ai besoin à chaque instant, mais mon temps est restreint, j'ai besoin de plus de temps. Tempérament violent, besoin de calmant, indépendant dans ma musique, besoin d'aucun surveillant. Aucun besoin de protection à approcher, mais uniquement besoin au créateur soit accroché. Pour décrocher le titre, besoin d'objectif. J'ai grand besoin de m'ouvrir et d'être plus objectif. Subjectif, besoin d'être le moins possible, mais j'ai besoin dangereusement de croire à tout ce qui est impossible. J'ai besoin de faire revivre le passé, toutes ces choses qui nous dépassent, bien trop grandes pour nos pensées. Besoin d'ouvrir le dossier de l'Algérie, du code noir et d'éclaircir tout le bordel des colonies. Besoin de revendiquer. Tous les chemins mènent au savoir, mais aucun n'est indiqué. Cousin, j'ai tout approuvé, plus besoin de me retrouver. Même si le ghetto a approuvé, moi je reste à éprouver. La vérité c'est que j'ai besoin de rapper, sans déraper, de rattraper le train d'acier. Besoin de mettre la forme au service du fond, mais nul besoin d'un pouvoir pour pouvoir décoller du fond. Besoin d'une fin, de se mettre aux petits soins, mais besoin d'anticiper, car le monde se crée des besoins. 22 ans et déjà besoin d'argent, d'une nouvelle paire de Air Max et de mettre bien mes gens. En vérité, besoin de se remettre en question, de se poser les bonnes questions, besoin de résolution. Besoin de mettre la forme au service du fond, mais nul besoin d'un pouvoir pour pouvoir décoller du fond. Besoin d'une fin, de se mettre aux petits soins, mais besoin d'anticiper, car le monde se crée des besoins. 22 ans et déjà besoin d'argent, d'une nouvelle paire de Air Max et de mettre bien méchant. En vérité, besoin de se remettre en question, besoin de résolution.